des débiles qui vont, qui viennent, qui montent, qui courent, des imbéciles qui passent leur temps à faire l'amour, c'est fatigant. Et puis ça sert à rien de se réveiller courbattu le matin. Y a des sauvages qui trouvent normal de recommencer leur gaspillage. Ça, je ne peux pas le supporter, moi, mon amour. Moi, je prends tout mon temps sans me forcer tout naturellement. Tout doucement le matin et pas trop vite le soir. N'allez pas me bousculer si vous voulez que je vous aime. Tout doucement le matin et pas trop vite le soir. Car pour moi une heure après mettre le lait, la journée est terminée. Y a des pauvres types qui sont plus rapides qu'une flèche, ces hypocrites. En trois mois remplissent une crèche, moi mon amour. Moi je prends tout mon temps et notre bambine, faisons-le tranquillement. Tout doucement le matin et pas trop vite le soir. N'allez pas me bousculer si vous voulez que je vous aime. Tout doucement le matin et pas trop vite le soir. Car pour moi une heure après m'être levé, la journée est terminée. Chorus s'il vous plaît. Merci. Hola. Hola doucement. Doucement Léon. Doucement le bandeau Léon. Fais comme moi. Moi je vais tout doucement le matin et pas trop vite le soir. N'allez pas me bousculer si vous voulez que je vous aime. Mais tout doucement le matin, pas trop vite le soir. Car pour moi une heure après m'être levé, journée terminée. Ouais.